Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auxquels s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'une faille du système, s'interroge l'informaticien Gérard Berry. Quels sont les succès et les échecs notables de ces dernières années dans l'évolution des ordinateurs, des objets connectés, de tout ce qui possède un microprocesseur. Gérard Berry, brillant informaticien polytechnicien qui a longtemps enseigné à l'INRIA, l'Institut National de Recherche dédié aux sciences du numérique, a été titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages de 2013 à 2019 au Collège de France. Son riche parcours a été consacré par une médaille d'or du CNRS en 2014. Cette semaine et la semaine prochaine, je vous propose de plonger dans la révolution des sciences de l'informatique en sa compagnie, dans le cadre de la série de cours donnée en 2019 sous le titre « Où va l'informatique ?». Dans une interview donnée au journal Les Échos en novembre 2017, autour de son livre « L'hyperpuissance de l'informatique » publié chez Odile Jacob, Gérard Berry explique, et je le cite, « Il se dit et s'écrit beaucoup de choses au sujet du monde numérique, en bien ou en mal. » Mais il est rare qu'on explique pourquoi et comment l'informatique, qui en est le moteur, a changé le monde. Or, elle est en train de le changer de façon très profonde, de mettre le monde à l'envers, mais peu de gens le comprennent. C'est une question de schéma mental. Les adultes, aux commandes aujourd'hui, pour nombre d'entre eux, vivent encore avec le schéma mental du XXe siècle qui s'ordonne autour du triptyque « matière, énergie, onde ». Mais l'informatique a introduit un quatrième larron d'une nature très différente des trois autres, l'information. Et c'est elle qui se trouve actuellement au centre du jeu. Ce renversement mental nous a été présenté dans le cours précédent où Gérard Berry nous a introduit aux évolutions de l'infrastructure matérielle qui va des micro-circuits cachés dans les objets jusqu'aux téléphones, les ordinateurs, les méga-fermes de calcul, le tout connecté par divers types de réseaux avec ou sans fil, mais aussi l'évolution de l'infrastructure logicielle composée des systèmes d'exploitation, réseaux, bibliothèques et environnements de travail. Aujourd'hui, le cas des voitures revient souvent dans l'analyse de Gérard Berry. Chacune, nous dit-il, comporte actuellement une centaine de microprocesseurs. L'informatique embarquée peut avoir, en cas de bug, des conséquences gravissimes, comme nous le verrons dans l'heure. Alors, quels sont les enjeux de l'hyperpuissance de l'informatique? Suite, nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 23 janvier 2019 pour le cours de Gérard Berry, Où va l'informatique? On va parler un peu plus de prévisions, de choses qui se passent et qui, à mon avis, vont continuer à durer. Les prévisions, comme disait Niels Bohr, la prévision est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Alors, je me méfie. Mais dans la leçon de clôture, vous verrez, je parlerai de ça beaucoup plus avec des exemples extraordinaires d'erreurs et de réussites du passé. Alors, la numérisation progressive de la société, ce sera plus court cette fois. Exemple de succès et d'échec, ça c'est très important pour moi. Les problèmes de sécurité, qui sont en train de devenir absolument majeurs. Et la formalisation de la médecine, comme dernier exemple, la médecine étant la moins touchée des activités humaines à l'heure actuelle, mais qui va l'être énormément. Et les médecins se posent énormément de questions, et c'est normal. Alors, l'informatisation progressive de la société. Donc ça, vous savez tous, je vais raconter des platitudes. D'abord, tout est passé en ligne. Le commerce, les banques, les réservations, les échanges, la cartographie. La cartographie, on pense qu'à son GPS, mais il y a aussi toute l'agriculture, les forêts, les ressources naturelles, les catastrophes naturelles. Tout ça, c'est vraiment très important. C'est assez ancien, la télédétection, pas du tout un domaine jeune. Ça existait quand j'étais petit. La culture, c'est vraiment intéressant. La culture a totalement changé depuis 2007. Je dirais en 2007, on achetait des CD, on allait au cinéma, pas tellement moins que maintenant. On pensait que le livre électronique allait tout pulvériser, ce qui a été complètement faux. Donc, dans le genre prévision, hein, voilà un très bon exemple. Mais ça a énormément changé. L'information, bien sûr, avec l'information par les réseaux sociaux, qui a un petit point d'interrogation à côté. Je vous fais pas le dessin, les échanges de savoir qui sont devenus extraordinairement importants. Je pense que les sites d'échange de recettes de cuisine doivent être parmi les premiers dans la fréquentation d'Internet pour des raisons qui sont vraiment bonnes pour une fois. La lecture aussi, la décoration, etc. Alors le podcast, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui montre encore une aversion mentale. Le podcast est extrêmement utilisé. C'est tout récent, le podcast. Hein. C'est extrêmement utilisé et maintenant les radios, comme France Culture ou France Inter, font des podcasts qui ne passent jamais en direct. Et c'est généralisé aux États-Unis, il y a des radios qui ne font que des podcasts qui n'ont pas d'émission. Et c'est tout à fait intéressant, sauf que ça va être pas facile à trier, comme d'habitude. Mais donc, le podcast, pourquoi c'est important? Parce que ça supprime le besoin d'être là à l'heure. Ce qui était le cas du répondeur automatique avec appel à distance dans le temps, du téléphone portable maintenant, du SMS. Et donc, le podcast, c'est le SMS à très grande échelle et à diffusion très grande. Donc, c'est vraiment encore un changement mental important. Et pour les radios, ça n'a pas été évident. Je pense qu'il y avait des tas de freins dans les radios à faire des podcasts qui ne se passeraient même pas en ligne. L'État, le sacro-saint État français, c'est s'informatise, on en parlera tout à l'heure, de très grande façon à l'heure actuelle, et ce qui n'est pas forcément simple non plus. Alors, il y a une énorme explosion de nouveaux acteurs privés qui a commencé dans les années 2000 et qui maintenant est devenue gigantesque, des acteurs qui sont devenus très très grands en très très peu de temps. Pourquoi? Parce que l'informatique, c'est pas la matière. Fabriquer un site informatique, du genre Uber ou n'importe quoi, alors c'est très difficile. Hein. C'est très difficile. La preuve, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'y arrivent pas. On reconnaît bien les gens au fait qu'ils ont énormément travaillé le design de leur sigle. J'ai regardé tous les réseaux. Moi, j'achète beaucoup de choses sur Internet parce que je prends pas mal de choses spécialisées, des outils, des tas de choses. Et dans toutes les boîtes Internet que je connais en France, il n'y a pas de sigle. Or, le sigle est quelque chose de très, très important dans l'identification. Et si vous regardez tous ces sigles, vous avez les moteurs. Bon, mais il y a deux sortes de moteurs. Il y a les moteurs qui vendent vos données et les moteurs qui vendent pas vos données. En voilà deux, il y en a d'autres. Mais d'un autre côté, moi, j'ai quand même besoin d'aller sur Google quand je cherche des informations scientifiques américaines, par exemple. C'est assez clair. Mais ces deux-là s'engagent à ne pas vendre vos données. Et je pense qu'ils le font. C'est vraiment très bien. Les réseaux de données s'engagent au contraire et je pense qu'ils le font aussi. Et ces choses-là sont tout à fait récentes, quelque part. Hein. Leur explosion est tout à fait récente. Et c'est très dur à faire. C'est très dur à faire au niveau informatique. C'est pas du tout quelqu'un qui essaye de s'y mettre, comme on dit, il a aucune chance, quoi. Le commerce électronique, donc évidemment, Amazon a raflé énormément. Mais il faut comprendre pourquoi. Regardez les sites des grandes enseignes françaises et le site d'Amazon. Appelez les services après-vente et vous comprendrez très vite la différence. Donc le fait qu'ils aient des comportements qui sont quelquefois vraiment tout à fait condamnables est un peu indépendant de ça. Il y a aussi des sites français qui ont des comportements avec leurs employés qui sont pas terribles. Et puis il y en a d'autres comme les livres rares, par exemple. Il y a aussi des sites pour amateurs très très spéciaux, il y en a plein, et qui font un travail formidable. Les livres rares, si vous habitez pas Paris et le quartier latin très précisément, trouver des livres rares, c'est une aventure, hein. Essayez d'habiter dans le Gard du Nord comme moi, vous verrez. L'hôtellerie, ça c'est vraiment intéressant, l'hôtellerie, ce qui s'est passé, je vais le détailler. Donc voilà les grands de l'hôtellerie moderne, hein. Ils n'existaient pas il y a très très peu de temps. Les transports, on le voit. Là j'ai mis les VTC qui posent aussi des tas de problèmes, et même les G7, les taxis G7 ont maintenant un site qui est très comparable à celui d'Uber. Alors que les taxis, si on réfléchit bien, les taxis avaient toujours pensé que ce qui était important, c'était d'avoir une voiture. Et qu'après, on essayait de se débrouiller pour avoir des clients. Et là, c'est l'inverse, hein, je vais le répéter. Ce qui est très important pour les gens comme ça, c'est de ne pas avoir de voiture. Hein, parce que c'est beaucoup plus important de ne pas avoir de voiture que d'en avoir une. Donc la matière est pénalisante. C'est ça qu'ont pas compris les gens tout de suite. Parce que c'est une idée qui est tellement à l'encontre du XXe siècle qu'elle était pénalisante. C'est une idée typiquement Silicon Valley, ça, ou Boston, pareil. La musique, la musique, maintenant, c'est comme ça. Alors, je vais en parler aussi, c'est quand même pas tout à fait fait. La vidéo et le cinéma, c'est un peu pareil que la musique. Ça a changé énormément, surtout sur les films courts, sur les films longs. Il y a des petits problèmes, en particulier sur la qualité, en particulier quand on n'habite pas là où c'est rapide. Voilà. Donc, ces choses-là sont vraiment extrêmement importantes. Et je fais pas ça pour faire de la pub. Je fais ça pour expliquer que ces sites qui ont réussi au-delà de tout sont des sites qui sont complètement imprégnés de la pensée informatique depuis le premier jour. Ils sont nés avec. C'est des sites des gens qui sont nés avec l'informatique. C'est pas des sites des gens qui ont essayé de rajouter de l'informatique à leur modèle d'avant. Ceux-là, ils ne sont jamais arrivés quasiment. Il y a peut-être des contre-exemples. Et ils ont très rapidement remplacé ceux qui n'avaient pas fait ça. Ça a été extrêmement rapide de remplacer et ça a fait la plus riche industrie mondiale. Donc cette riche industrie mondiale, elle a, comment elle a fait pour devenir riche? Ben, c'est parce qu'elle a beaucoup de clients. Et si elle a beaucoup de clients, c'est parce qu'il y a associé à ça un effet qui a été très commenté par les économistes et qui ne se trouve pas du tout dans tous les domaines, qui est l'effet winner take all. C'est-à-dire que le premier arrivé prend tout. Parce que simplement, les gens n'ont pas envie d'avoir deux choses qui font la même chose. C'est-à-dire que tous les gens qui ont essayé de faire un moteur concurrent à Google pour une autre raison qu'on ne veut pas vendre vos données, regardez ce qu'ils sont devenus, quoi. Ils sont invisibles. Et pourtant, ce n'est pas facile. Donc, winner take all, ça veut dire que ça fabrique des monopoles et des rentes de situation. Alors, c'est très, très rigolo parce que le monopole vend des choses gratuites. Enfin, il ne vend pas des choses gratuites à tout le monde, hein, parce que les gens qui payent pour avoir la publicité, évidemment, eux, ils payent. C'est-à-dire que les choses sont gratuites pour les uns et pas du tout pour les autres. Mais le volume est tellement extraordinaire que le modèle économique peut être très simple. Et surtout, Google n'a aucun besoin de connaître ses clients. Savoir si vous êtes client, ça n'intéresse absolument pas. Ce qui intéresse, c'est vos données. Ce n'est pas le fait que vous êtes client ou pas. Vous, en tant que personne, n'a absolument aucun intérêt. Ce qui n'est pas forcément vrai dans un vrai magasin. Encore que des fois, on se demande. Je répète là. Pour capter la valeur ajoutée de l'hôtellerie, est-il essentiel d'avoir des hôtels ou des taxis? La réponse est non. C'est l'inverse. Ce qui compte, c'est de savoir qui veut aller où, quand. C'est exactement ce que savent faire les hôtels, ça. Et de collecter les données, de collecter les recommandations des utilisateurs, c'est le boulot numéro un de ces choses, c'est de faire bosser les utilisateurs gratoches. D'accord? Donc les utilisateurs ont le service gratoche, mais ils bossent gratoche aussi. C'est assez curieux. Économiquement, ça n'existe pas trop, ça. Donc ça finit par se retrouver ailleurs. Vous réfléchissez où? Ça se trouve dans la devise qui n'est pas prononcée, mais qui est bien celle-là de toutes ces sociétés, un pour tous, tous pour un, mais 15%. D'accord? C'est ça la devise de ces sociétés. C'est Pierre Dac qui a fait cette phrase, que j'ai toujours trouvée admirable, et là, maintenant, elle est opérationnelle et en grand. Mais c'est pas idiot. Tout le monde se sert de ça, parce que c'est un vrai service fondamental. Et c'est vraiment dommage pour les gens qui pouvaient rendre ce service avant, de ne pas avoir pensé à rendre ce service, parce qu'il était fixé sur la pierre ou sur l'acier. Voilà. La musique et de la vidéo, alors pourquoi est-ce qu'on aurait encore des supports physiques? Alors il y a quand même des raisons encore, mais qui vont disparaître. La première, c'est la qualité. C'est vrai que pour un mélomane, le MP3, c'est pas suffisant. Et c'est vrai que maintenant, les sites commencent à proposer du CD ou du SACD, donc il y a des qualités qui sont très très largement supérieures à votre oreille, et à la mienne en particulier. Et il y a aussi des amoureux du vinyle. Il y a même des gens qui n'aiment pas aller au concert parce que ça n'a pas le même son que le vinyle. Hein. Donc le cerveau a des habitudes, c'est comme ça. Et pourquoi pas, hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Les vinyles, c'est très intéressant. Moi, j'ai des vinyles enregistrés en gravure directe en 45 tours avec des têtes Charlin qui sont des petites merveilles. Mais bon, ceci dit, ma collection de disques a été entièrement flaquée sur mon ordinateur. Et puis c'est comme ça. Hein. Ce qui me permet de l'avoir partout avec moi aussi. Hein. C'est-à-dire que la vraie, ce n'est pas facile. Mais je la garde pour les enfants en particulier. Alors quand même, il y a des problèmes très sérieux, vous les connaissez tous, ça, on en parle tellement. L'usage exagéré des écrans, c'est vrai pour la télévision. Hein. Mais alors ce qui se passe, c'est que les gens voudraient toujours changer les conséquences sans comprendre les causes. Et ça, vous écoutez des politiques qui ne veulent pas passer une seconde à comprendre les causes. Alors ça commence à changer. À l'heure actuelle, ça change un peu. Mais c'est sans espoir. Google et les autres se délectent du fait que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est leur bénédiction. Bon, si on veut comprendre les conséquences, il faut comprendre les causes. Ce n'est pas nouveau, mais en informatique, ça manque encore d'emploi. Il y a aussi des sites participatifs complètement inconnus avant. Alors, Wikipédia est un très bon exemple. Wikimedia est un site participatif. Vous pouvez donner vos 20 euros par an à Wikipédia, ça ne vous fera pas de mal. Et ça fait beaucoup de bien. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais en histoire, c'est trafiqué. D'accord, mais en science, ça ne l'est pas du tout. En histoire, je ne sais pas, je ne lis pas, mais ou très peu. Mais en science, c'est absolument remarquable. Il y a un problème de traduction, c'est-à-dire que les articles américains ne sont pas beaucoup traduits en français. Donc, en général, je finis toujours sur les US, je m'en sers beaucoup. Et tous ces sigles que j'ai piqués, là, que vous avez, je les ai évidemment pris sur Wikipédia. Hein, c'est beaucoup moins fatigant que de faire autre chose. Alors, la Wikipédia, c'est gigantesque. L'Encyclopédia Britannica a décidé d'arrêter, qu'elle n'avait plus aucune chance ni aucune pertinence. Ça a une pertinence historique, par contre. Marmiton, par exemple, et l'état d'Otsit, c'est des références absolues en cuisine. La cartographie, ça, c'est OpenStreetMap, hein, qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire aussi, et qui se généralise. Des voyages, Couchsurfing, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site où les gens s'inscrivent et ils disent, voilà, aux voyageurs, voilà, je vous donne une chambre gratuite pour pouvoir discuter avec vous. Bon, ça marche très fort, il y a des millions et des millions de gens qui font ça. Et le principe, c'est de faire des rencontres. Mais des rencontres, c'est pas mythique, hein, c'est voyageurs, venez nous raconter votre vie, on vous racontera la nôtre, et puis on discute un coup, puis si on devient copain, on se reverra. Et il n'est pas interdit d'amener un petit cadeau, mais ça, c'est fondamentalement quelque chose de gratuit, hein. Et il n'est pas interdit de faire des dons à toutes ces choses-là. C'est donc beaucoup moins cher que ce que vous payez indirectement chez les autres, hein. Il n'y a pas de problème. Il y a aussi le financement participatif, Ulule, qui finance un certain nombre de projets d'artistes. Comme j'ai une fille artiste, ben, je connais assez bien. Crowdfunding, qui est un site qui recense les sites de crowdfunding. C'est un métasite de crowdfunding, etc. Et ces choses-là, bon, c'est pas les miracles annoncés, mais c'est des principes complètement différents. Et quand on dit qu'il n'y a plus de relations sociales entre les gens, je pense que c'est complètement faux. Il y a des inversions mentales dans la notion même de relations sociales. Moi, je vois mes gamins qui préparaient leur soirée à 7h30, parce qu'avant, ce n'était pas la peine. Et tout d'un coup, il y a un déluge de SMS, et puis ils se retrouvent dans un endroit improbable. Et c'est d'autres relations sociales. Mais les vieux ont toujours tendance à dire que les jeunes ne font pas comme il faut. Moi, j'ai toujours entendu ma génération nous dire « Il leur faudrait une bonne guerre !» Et je m'en suis très bien passé. Donc, les importances des agents non commerciaux est absolument fondamentale et on ne la souligne pas assez, et en particulier dans la presse. Wikipédia, le logiciel libre, c'est un truc absolument énorme, il y en a beaucoup. J'ai mis Linux, qui est très connu, mais il y a NTP, Network Time Protocol, qui synchronise toutes les machines du monde. Et j'en ai beaucoup parlé dans mes cours sur le temps, il y a quelques années. Et puis tous les langages de programmation, comme Camel, les vérifieurs, comme Coq, mais il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres, etc. Alors il y a des trucs que vous connaissez peut-être pas, Internet Archive. C'est l'archive d'Internet pour les volontaires. Hein, c'est archive. Les gens disent, mais tout Internet est archivé. Ben, vous regardez ce qui circule sur Internet, on va manquer d'atomes, hein, donc ça va pas. Là, vous voyez, c'est quand même pas rien. Hein, ça fait 15 pétaoctets. Je vous rappelle que le pétaoctet, c'est 1000 teraoctets. 330 milliards de pages, 2 millions de livres. Ça devient plus gros que la bibliothèque du Congrès américain, qui est la plus grande bibliothèque du monde. 10 millions de textes. Ce sont des efforts collaboratifs. Tout à fait gigantesque sur la culture, la sauvegarde du web. Puis il y en a un autre qui est français, qui est soutenu par l'INA, qui a été créé par Roberto Du Cosmo, qui est maintenant un projet international de l'UNESCO, je crois, et qui est la grande mémoire du logiciel. Le logiciel est une production énorme dans la culture, et c'est en train de sauvegarder les fichiers sources et les environnements de travail pour pouvoir reconstruire les logiciels à peu près à n'importe quelle époque. Et pour l'instant, il y a 4,5 milliards de fichiers, 83 millions de projets. Vous voyez, il y a aussi un truc par rapport aux moyens physiques, c'est qu'on n'est pas embêté par la taille en informatique. Merci aux physiciens. S'il n'y avait pas la spintronique, tout ça n'existerait pas. Hein. La spintronique d'Albert Fert qui a permis d'avoir des disques gigantesques, ça n'existerait pas. Donc, merci aux physiciens pour nous permettre de nous affranchir des limites de la physique. Ça, on peut l'avoir chez soi. Alors que stocker 4,5 10 puissance 9 fichiers sources chez soi, c'est quand même pas facile. Donc la communication par Internet rend possible que tout le monde ait ça. Et ça, c'était complètement impossible avant. Hein, il n'y a pas de voiture disponible sur Internet pour qu'on télécharge. C'est dommage d'ailleurs, mais c'est comme ça. Les sciences ouvertes et collaboratives, toutes les sciences sont en train de devenir comme ça. Hein, la physique et l'astronomie, ça fait très longtemps. Le LHC, il n'y a pas que les gens de Genève qui bossent sur le LHC, il y a l'intégralité des physiciens mondiaux. Hein. L'astronomie, c'est exactement pareil. Le métier d'astronome ne consiste plus du tout à regarder le ciel en rêvant, ni même à regarder dans un télescope. Ils passent leur vie sur un écran à aller chercher des données dans le monde entier. Et la sécurité informatique, fort heureusement, qui est aussi... Vous lisez les papiers de sécurité informatique, vous trouvez qu'ils ont des auteurs qui sont des quatre coins du monde. Ben oui, c'est comme ça, ça gêne pas. Et tout ça, c'est tout autant fondé sur la pensée informatique. C'est-à-dire qu'avec des moyens physiques, on n'a aucune chance de faire ça. Et c'est une énorme culture mondiale. De ça, on parle jamais. Si, un peu de Wikipédia. L'État se bouge beaucoup. Impots.gouv.fr, qui est un site qui a été fait un peu en cachette, je crois, a été réussi assez du premier coup. On ne peut pas dire qu'il a une interface machine rapide, mais il a une interface machine que tout le monde arrive à comprendre, ce qui est vraiment beaucoup plus dur. Légifrance, il y a vraiment énormément de choses là-dedans. Etalab, qui est un organisme qui travaille pour que les sites soient vraiment bien. Data.gouv.fr, vous savez que la loi impose de publier les données. C'est vraiment très intéressant. Gouvernement.fr, qui est le site officiel du gouvernement. France Connect, qui permet maintenant de se connecter avec un seul mot de passe dans tous ces machins qui avaient que des techniques différentes. La SNCF est très fière que maintenant, il n'y a plus qu'à... On peut se connecter avec son email sur tous ces sites. Jamais compris pourquoi il y avait autant de sites, mais enfin bon. Avant, c'était les uns, c'était son numéro de machin, les autres sur son numéro de truc. Et là, ils ont fait un gros chprom en disant que c'était génial. Ils auraient pu faire comme ça le premier jour. Campagnol.fr, le site qui sert aux maires des petites communes à faire des beaux sites. Et ça, c'est super bien fait, c'est très utile. Mais il y a beaucoup de sites mal faits. En tant qu'entrepreneur pour les quelques conférences que je donne ailleurs, j'ai besoin d'utiliser trois sites, l'auto-entrepreneur, URSAF et Net Entreprise. Alors les auto-entrepreneurs, c'est censé être simple, hein. Alors, il n'y en a aucun des trois qui est simple. Hein. Ça, ils le reconnaissent. Il y en a même plusieurs qui ne marchent pas très bien. Les cartes grises, ça a été une horreur. Mais déjà, tout ça, ça interdit aux gens qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas envie d'avoir Internet, ce qui est un droit fondamental, ça leur interdit de faire beaucoup de choses, déjà. Ce qui n'est pas très normal. Donc, le défenseur des droits agit là-dessus en ce moment. Alors, exemple de sujet et d'échec. Il y a beaucoup de succès. Hein. L'informatique permet de faire des choses fantastiques, mais on y passe moins de temps parce que... Mais il y en a quand même. J'ai parlé de l'informatisation des avions et des métros, qui est vraiment un très grand succès. Je vous rappelle que le métro de Paris n'a jamais été testé, qu'il a été prouvé. À une époque, c'était, la notion de preuve n'était pas encore aussi bonne que maintenant, mais il n'y a pas eu de test. Hein. Il a été mis en place comme ça, et on a parlé des avions. Les fonctions bien informatisées des voitures ont permis... les freins, je dis toujours... Vous savez, un ABS, c'est utile parce qu'il n'y a pas tellement d'hommes qui sont capables de manipuler quatre pédales à la fois. Et que c'est ça qu'il faut faire pour freiner une voiture. Les quatre roues, il faut les freiner indépendamment. Le moteur, mais alors je vais vous montrer tout de suite que c'est pas tout de ce niveau. La photo numérique, l'imagerie médicale, le son, les appareils de physique et l'astronomie. Quoique, j'avais longuement parlé du bug d'Ariane 501 qui a explosé à cause d'un bug parfaitement déterministe et extraordinairement stupide. Et Schiaparelli vient de se cracher sur Mars un petit milliard de dollars à cause de... le rapport est moins public que celui d'Ariane 5, mais je peux vous assurer que c'est pour des raisons relativement similaires, de sous-estimation complète de ce que c'est que faire de l'informatique. Le traitement algorithmique du génome, etc. Bon, beaucoup de choses. Ça, c'est banal, on en parle partout. Alors, je vais vous parler de ce qui ne marche pas, parce que c'est quand même plus intéressant, vu que c'est de ça qu'il faut s'occuper surtout. Donc, mon beau dessin est pourri par un certain nombre de choses qui s'appellent les bugs, dont j'ai beaucoup parlé, et je vais vous en montrer des nouveaux aujourd'hui. Sûreté, bon fonctionnement dans tous les cas, et sécurité, pas d'intrusion, pas de vol de données, pas d'intrusion dans les systèmes, qui sont les deux grands problèmes, les deux problèmes très bien identifiés et grands. Alors, la situation n'est pas si bonne. Hein. À l'heure actuelle, ça devient vraiment dangereux, c'est-à-dire c'est des dangers majeurs, et la puissance s'étend avec la puissance de l'informatique. Et on arrive en particulier en sécurité à des domaines vraiment dangereux à l'heure actuelle, il faut faire très attention. Alors les projets non convergents, vous connaissez Louvois, il y a des gens qui ont été obligés de vendre leur maison parce que l'armée ne leur paye plus, ne les paye plus. Il y a aussi 480 millions d'euros qui ont été dépensés sur des gens payés en trop, qui n'ont pas râlé. C'est officiel. Hein. La qualité logicielle, bon alors dans les téléphones ça peut être drôle, je ne peux plus le faire la démo malheureusement, ils ont corrigé. Le Monde avait un des plus beaux bugs que je connaisse, c'était que de temps en temps le Monde sur le téléphone, surtout sur Android c'est bien, il bloquait. Le Monde se bloquait parce qu'il y avait une erreur dans les protocoles. Il bloquait complètement, il bloquait le téléphone. Alors sur l'iPhone, c'était très embêtant, il fallait attendre assez longtemps que ça reboote. Mais sur Android, Android s'en apercevait et mettait un merveilleux message, le Monde s'est arrêté. Avec le sigle du Monde, hein. C'était vraiment le plus beau message d'erreur de l'histoire. Bon, alors seulement ça, c'est pas acceptable dans les choses sérieuses. Hein. Et on va voir que ça existe. Et puis une sous-estimation vraiment permanente de l'interface, l'interaction homme-machine, qui est véritablement un problème. Par exemple, les GPS de voiture. Vous avez des machins où il y a une molette à tourner pour trouver une lettre. Mais c'est impossible, quoi. Donc, il faut quand même savoir que dans les GPS de voiture qui ont une belle vitre, un des grands usages de cette vitre, c'est coller la ventouse sur laquelle on va mettre le support du téléphone. Et donc, c'est quand même assez pratique, un GPS de voiture. Puis la sécurité. Donc, regardons ça de près. L'Internet des objets, bon, alors là, c'est un exemple. Hein, moi, j'ai des lumières qui sont très, très bien faites, commandées parce que j'ai une maison en pierre, retapée. Je ne voulais pas mettre des câbles partout derrière les pierres. Enfin, c'est la galère. Donc, j'ai tout en radio. Mais alors, les interfaces, c'est pas ça. La qualité logicielle trop faible, on va voir. Puis, est-ce que tout vouloir tout commander à distance, c'est intéressant? Et alors, la sécurité, on va le voir. Donc, des accidents graves en automobile dont on ne parle absolument jamais. Alors que s'il y a un petit pet dans un avion, ça fait les journaux, dans les automobiles pas du tout. Plus les voitures sont chères, plus elles sont faciles à ouvrir. Titre de 60 millions de consommateurs de décembre dernier, et c'est parfaitement vrai. Donc, vous payez une voiture très très chère, elle est facile à ouvrir. Et les trois grands constructeurs allemands de voitures très chères ont sorti il y a deux semaines une directive pour les utilisateurs. Vous savez, il y a ces cartes de crédit qui sont émettrices. Vous avez dans votre poche et quand vous arrivez, la voiture s'ouvre, se met en marche. Seulement, ils se sont aperçus que ça pouvait se faire sniffer par des gens à travers votre porte ou votre fenêtre qui sniffent les émissions et qui les relaient en radio à quelqu'un qui est près de la bagnole et puis ils partent avec. Donc, ils recommandent maintenant, quand vous avez votre clé, qui est le progrès ultime, quand vous rentrez chez vous, de le mettre dans une cage de Faraday. Là, c'est super pratique, hein. Donc, je suppose qu'ils vendent des cartes de Faraday au sigle des entreprises allemandes, 3 fois le prix, ou 10 fois le prix. Il y a bien des gens qui, en audio, achètent des câbles numériques qui ont des meilleurs aigus, avec des contacts plaqués or sur la fibre optique. Ça, c'est... Donc, on va en parler dans le cours et le séminaire sécurité du 13 février. Alors, exemple. Donc, dans une voiture, ce dont vous n'avez pas envie, c'est de ça. Hein. Et pourtant, c'est quelquefois la réalité. Alors, pas partout, mais il y a des cas. Alors, le cas que j'avais déjà présenté, mais je vais en dire plus dessus, c'est Toyota, en ce moment, est déjà à 2,5 milliards de dollars de pertes et d'indemnisation des victimes, à 89 morts à tester, je ne sais pas depuis qu'est-ce qui s'est passé, et le logiciel du contrôle moteur, donc qui est enfoui dans le moteur, qui joue un rôle absolument fondamental dans une voiture, et quelque chose de très sérieusement fait, normalement, a été expertisé par Michael Barr, qui est quelqu'un de très très sérieux, grand spécialiste des systèmes embarqués, et voilà ce qu'il dit. Il y a beaucoup trop de fonctions qui sont extrêmement complexes, il y en a qui sont complètement intestables, il n'y a aucun moyen de développer une méthodologie de test pour savoir ce qui peut arriver. Il y en a qui sont tellement complexes qu'on peut les appeler vraiment immaintenables, c'est-à-dire que tout changement va probablement introduire un nouveau bug inconnu quelque part. Les fail-safe, c'est-à-dire, comment ça s'appelle en français, les fail-safe, tout ce qui détecte les erreurs et les mauvais fonctionnements sont complètement inadéquats, et l'architecture de sécurité est un château de cartes. Donc ça, c'est le début du rapport. Donc en fait, ce n'est pas un bug qu'il y a dedans, c'est l'ensemble qui est complètement bugué. Il y a plusieurs centaines ou milliers de variables partagées, dont aucune n'est protégée, par exemple, c'est très bien. Alors, voici un bug, par exemple, un bug connu parmi les bugs qui lui permettent de partir tout droit à fond. Hein. Le bug, c'est elle part en accélération à fond. Et c'est des voitures relativement puissantes, donc elles savent faire ça. Et il n'y a plus aucun moyen de les arrêter. Alors si, mais vous allez voir, le moyen, vous n'avez aucune chance de le trouver. Alors, le système d'exploitation s'appelle OSEC, c'est un classique de l'automobile, et il y a des tâches à exécuter, il y a des files de priorité, et puis il y a des files de tâches en attente d'exécution, et puis il y a un ordre lanceur, tout est normal. Et puis, il y a une structure de données fondamentale, c'est celle qui dit, qui met un 1 dans le numéro de la tâche si elle est active, ou un 0 si elle n'est pas active. Donc là, il ne faut pas se gourer là-dedans. Bon, ben, très bien, et le problème, c'est qu'il y a des corruptions mémoire. Alors, la corruption mémoire, c'est un truc complètement tragique en informatique, ça veut dire que vous écrivez une valeur, vous pensez que vous l'écrivez là, mais vous l'écrivez ailleurs. En particulier, par exemple, dans la table des tâches. Donc, vous écrasez, vous mettez des noms, d'autres 0 et 1 dans la table des tâches. Et donc, avec ça, vous faites mourir des tâches. Hein ? Le système voit un 0, donc il tue la tâche. Dont, par exemple, celle de la conduite de la vitesse. Donc, ils ont trouvé pas mal de raisons pour lesquelles la conduite de la vitesse pourrait mourir. Celle qui s'appelle le throttle, celle qui gère l'accélérateur et tout ça, enfin, l'accélération et tout ça. Donc, voilà ce qui se passe. Vous avez à un moment, pof, la tâche meurt. Et donc, la machine se met à accélérer tout droit. Il n'y a plus de contrôle de l'accélération, puis alors elle se met dans un mode où elle accélère. C'est comme ça. Et quand vous freinez, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout, puis après vous vous tapez dans un mur, c'est bon. Mais vous pouvez remettre la tâche en fonction, non pas en freinant, mais en relâchant complètement la pédale de frein. Alors ça, ce n'est pas dans la doc. Et vous avez très peu de chances de le trouver. D'accord ? Donc, voilà, les gens se sont payés des murs, des bagnoles, enfin voilà. Et ça, c'est un des cas confirmé dans les tests. Alors, donc ils ont regardé qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme corruption mémoire. Et ils ont trouvé que les causes de corruption mémoire possibles, overflow de buffer, pointeur mal déréférencé, arithmétique de pointeur mal faite, interférence entre tâches, problème de scheduling, changement de type d'une mémoire incorrecte, ou débordement de piles. Ils ont montré que les débordements de piles pouvaient écraser les paramètres du moteur. Ce qui n'est pas terrible. Donc, c'est vraiment en grand, là. Hein. Donc, tout ça existe dans ce logiciel. Et alors, Toyota, je l'ai dit Toyota, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, c'est juste vrai, ça, c'est attesté. Donc, le rapport n'est pas public, mais les auditions au tribunal le sont. Vous pouvez tout lire, hein, c'est parfaitement public. Donc ça, c'est l'audition au tribunal. Il dit, ben bon, d'accord, ce que vous dites est vrai, il y a des bugs, mais il y aura forcément des bugs, et c'est pas que chez Toyota, mais chez n'importe qui dans l'automobile, et dans n'importe quel logiciel. Le problème, c'est pas de savoir s'il y a des bugs, s'il y a des bugs dangereux. Et la réponse est non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font pas comme ça. Et il y a des méthodes d'analyse, par exemple, des corruptions de mémoire qui sont sérieuses. D'ailleurs, il y a même des recommandations de programmation dont aucune n'était appliquée. Là, il y a les recommandations MISRA ou les trucs comme ça qui sont complètement standards en automobile, n'étaient pas appliquées. Donc non, faut pas croire ça, faut jamais croire ça. C'est pas vrai, c'est pas l'état de l'art, ça, c'est l'état du non-art, c'est pas l'état de l'art. Ça, c'est vraiment important. Hein, on sait faire ça, il y a des méthodes dont on a beaucoup parlé ici dans ces cours, et ça va continuer. J'ai parlé des méthodes B pour Météor, bon, c'est un peu moins à jour aujourd'hui, mais quand même, l'interprétation abstraite, ça, c'est majeur. Ça se fait pour les avions de façon absolument standard, pour l'automobile aussi, d'ailleurs, avec Polyspace. Tout ça, ça vient de Patrick et Radia Cuso, leur Mathieu, et leur équipe, très très forte à travers les âges. La satisfaction modulo théorie qui permet de faire quand même des choses un peu plus modestes, mais très très, très fortes quand ça marche. C'est avec ça qu'on essaye de faire la preuve pour Parcoursup. Et puis, Xavier Leroy en parle avec d'autres méthodes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est condamné à ça. Enfin, de croire qu'on est condamné à ça, c'est vraiment pas sérieux, quoi. On n'est pas condamné. Ça veut pas dire qu'on sait tout faire, hein. Voilà. Alors, contrôler le temps, j'en avais parlé aussi, mais c'est rigolo. Parce que là, il y en a des nouveaux qui apparaissent que j'aime beaucoup. Donc, 31 décembre 2008, à minuit, se plantent complètement dans l'année bissextile et bouclent sur deux instructions, deux tests, et donc vident leur pile indéfiniment, cronquent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de pile, et repartent le 2 janvier. Ça ne lui a pas réussi au Zoom. Celle-là est très belle, même chez Apple, normalement irréprochable, comme on dit. Eh ben, il y a eu un raté au passage à l'heure d'hiver 2010. Tous les iPhone 4 ont sonné une heure trop tard. Alors ça, aux États-Unis, ça ne plaît pas, hein, parce que pour rater son avion, c'est parfait, le train et tout. C'était pas terrible, mais c'était un dimanche coup de bol. Celle-là est beaucoup plus forte. C'est une historique qui est parfaitement attestée. Vous trouvez tout dessus sur le web. Le 11 février 2007, l'avion amiral de l'aviation américaine, le F-22 Raptor, 330 millions de dollars pièce. Ils partent à 12 avec leur ravitailleur d'Okinawa pour le Japon, ce qui n'est pas à côté. Et au moment du passage de la ligne de changement de date, tous leurs ordinateurs se crachent et refusent de rebooter. Donc ils se sont retrouvés en pilotage à vue avec leur ravitailleur, donc ils ne pouvaient plus communiquer, ils ne pouvaient plus rien faire, mais ce n'était pas les ordinateurs de pilotage, hein, parce que ce n'est pas les hommes qui pilotent, c'est les ordinateurs, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc, ils sont rentrés à vue, en têtant leur ravitailleur, en secouant les ailes pour savoir à qui c'était le tour, et ça a marché, pourquoi ? Parce qu'il faisait beau. Sinon, c'était quand même un des accidents les plus chers de l'informatique, hein. Mais il faisait beau. Donc mais ça a été complètement publié, hein. On sait tout dessus. Et puis, depuis le 1er janvier 2019, j'ai appris ça la semaine dernière, c'est merveilleux, c'est les sonnettes de lit des hôpitaux suisses qui marchent plus. Et de quelques hôpitaux français. Alors ça, c'est pas bien. C'est pas bien pour les malades, et c'est pas bien pour le personnel soignant. Vous voyez, l'heure, il n'y a pas plus bête. Eh ben, c'est sournois, hein. C'est vraiment intéressant. Bon, évidemment, j'ai parlé du bug des missiles Patriot, ou une mauvaise gestion de l'heure. Fait qu'il y a eu 28 morts et 98 blessés parce que le Patriot est passé à exactement 720 mètres parce que l'heure était fausse de 0,13 secondes. Bug parfaitement documenté aussi. Et c'était connu. C'est-à-dire que les gens qui avaient fait le Patriot, qui était vraiment un système des années 50, disaient, il faut rebooter toutes les 4 heures sinon on ne sait pas ce qui se passe. Alors que les militaires qui étaient là, ils ont passé 100 heures sous grande tension, ils ont oublié de rebooter. Ils n'avaient surtout pas envie de rebooter parce que ça met quand même pas mal de temps. Et voilà. Bon, donc, vous voyez, c'est dangereux tout ça. Pourquoi est-ce qu'on commet toujours les mêmes erreurs ? Ça, c'est une vraie question. On ne fait pas ça dans la mécanique. On ne commet pas toujours les mêmes erreurs. Pourquoi ? Parce que les gens qui décident sont ignorants en informatique. C'est ça, la vraie raison. Alors, le problème de sécurité, classement des dangers économiques majeurs par le World Economic Forum en 2019. 1, les événements climatiques extrêmes. 2, les désastres naturels. 3, les attaques informatiques contre les infrastructures. Et 4, les vols de données et de comptes. Donc là, c'est officiel, c'est au niveau, on est juste en dessous du niveau des désastres naturels. Et ça, on ne sait pas, c'est pas très popularisé en France, mais l'échelle est gigantesque. Évidemment, c'est pas des gens, c'est des robots. Évidemment, c'est des programmes. L'informatique est hyper puissante, donc c'est pas des gens qui s'amusent à faire péter les systèmes. Ils fabriquent des robots qui vont le faire. Et ils sont très aidés par la population. Alors regardez, par exemple, janvier 2019, vous trouvez ça sur le web très facilement, on vient de trouver sur des sites de hackers 773 millions de paires adresses mots de passe. dont 6 à moi. OK ? Fin 2016, c'était 596 millions d'adresses avec plusieurs mots de passe pour chacune. Là, je ne sais pas si je suis dedans, mais il y a des bonnes chances. Alors maintenant, j'utilise un vrai gestionnaire de mots de passe avec des 12 caractères tirés au sort. Et là, je tombe sur l'une des plus grandes absurdités de l'histoire de l'informatique. Il y a moitié des sites qui disent « Ah, vous n'avez pas le droit des caractères spéciaux ». L'autre moitié qui dit « Ah, il faut absolument avoir des caractères spéciaux ». Et la personne qui a dit ça, qui a dit comment on fabriquait des mots de passe sûrs à l'époque, il y a très longtemps, vient de faire une confession en disant que c'était la plus grosse bêtise qu'il avait jamais faite de sa vie et qu'il était désolé pour la population mondiale d'être obligé d'obéir à ces règles complètement stupides et sans aucun intérêt. Qui fait que quand vous utilisez un vrai gestionnaire de mots de passe sérieux, comme il y en a vraiment maintenant, vous cliquez sans arrêt pour mettre des caractères spéciaux, les enlever et tout. Enfin bref. Donc vous voyez, on peut avoir des mauvaises idées en ayant l'air qu'elles soient bonnes, c'est quand même facile. Vol de données personnelles. Donc c'est moins que les systèmes, hein, je vous rappelle, comme classification. Equifax, 145 millions de comptes qui sont partis. Equifax, c'est la grande organisation de certification de crédit aux États-Unis. Marriott, c'est 500 millions pendant 4 ans. Ils ont racheté Starwoods et il y a 500 millions de comptes qui ont été laissés à l'air libre. Et les gens s'en sont aperçus très tard, mais pas les hackers. Les hackers, ils s'en aperçoivent très tôt, mais ça, ils ne le disent pas. Bon, c'est sérieux, quoi. L'inconvénient de l'informatique, c'est que ça passe tout de suite à la grande échelle. Y compris pour ça. Les attaques sur les réseaux équipements, bon, ça, c'est le plus dangereux, parce qu'attaquer un équipement, c'est beaucoup plus dangereux. Mirai sur le serveur de NSDIN, c'était le recrutement de caméras vidéo, de machines à laver. Là, ils ne sont pas crevés. À peu près toutes les caméras vidéo sont livrées avec comme utilisateur admin et mot de passe admin, comme à peu près tous les objets techniques que je connais. Et personne ne le change jamais. Donc, c'est rien que des ordinateurs. J'ai dit une machine à laver, une caméra vidéo, un supercalculateur, c'est pareil. Donc, vous faites login admin admin et vous lui dites à telle heure, tu déclenches ce machin. Il n'y a pas plus facile à faire. Donc, saturation totale du serveur DNSDIN, c'était probablement un exercice. Il y a beaucoup d'exercices, c'est aussi des pays qui s'entraînent à ça. Tous. Petya, notre Petya WannaCry, ont attaqué les usines en grand. Alors, il y a eu dans les Échos un article, 300 000 victimes de WannaCry. Moi, j'ai répondu par une petite chronique, je fais une petite chronique, et j'ai mis ma petite chronique qui s'appelait L'autruche et le rançonneur, en l'honneur de La Fontaine. J'ai dit, appelez ça des victimes, c'est un peu gonflé. Il tourne sous Windows XP. Ça fait quand même 12 ans que Microsoft dit qu'il ne faut surtout pas tourner sur Windows XP, qu'il est complètement percé, qu'il n'y a aucun moyen de le réparer, qu'il ne faut pas. Donc les hôpitaux, ce n'est pas seulement les ordinateurs de compta et tout, c'était les appareils des hôpitaux. Vous regardez au Collège de France, les appareils sont sous XP, c'est comme ça. Bon, ils sont tous sous XP, et puis plus personne ne peut changer de logiciel, on ne sait même pas ce que c'est. Voilà. Très rigolo aussi, la police de Londres était sous Windows XP. Donc, dans un mouvement de catastrophe, ils ont décidé de changer, de se mettre à jour, et ils sont passés sur Windows Vista en 2018, ce qui est quand même splendide. Et le navire amiral de la flotte anglaise, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle le Queen Elizabeth, le navire ultra informatisé, est 100% sous Windows XP. Bon, alors j'appelle ça l'autruche et le rançonneur, vous comprenez pourquoi, quand on met la tête dans le trou en levant les fesses en l'air, non seulement on prend les coups de pied, mais on ne voit pas d'où ils viennent. Attaque sur les objets connectés. Ah, les pacemakers, ça avait commencé avec, comment il s'appelle, le vice-président de George Bush, qui avait un pacemaker, et là, les gens ont publié le fait qu'on pouvait rentrer dans les pacemakers et passer super user dans le pacemaker, ce qui n'est pas ça. Bon, alors maintenant, il y a un groupe d'Américains, je crois, qui ont regardé les pacemakers des quatre principaux constructeurs, et ils ont compté, ils ont trouvé dans chacun plusieurs milliers de trous de sécurité connus. Puis il y en avait qui étaient admin-admin aussi, ce qui est beaucoup plus simple que quoi que ce soit. Et ils se sont aperçus, je vais en reparler tout à l'heure de ça. Pareil pour les pompes à insuline. Ah ouais ? Tiens, mais pourquoi c'est comme ça ? On va voir ça après. Sur les infrastructures, l'Estonie s'est fait couper du monde pendant une semaine au niveau Internet, alors comme ils ont tout sur Internet, ils avaient viré l'argent de poche, etc. D'ailleurs, l'argent de poche, ça n'existe plus qu'en France, à ma connaissance. En Inde, c'est terminé. Tout le monde paye avec son téléphone, même 15 centimes, le réseau électrique ukrainien, dont un bon dixième a été descendu par une puissance étrangère, qu'on ne connaît pas, ça peut très bien être l'Estonie elle-même qui s'est gourée dans une attaque, tout est possible là-dedans. Le Collège de France et France Culture vous présente l'informaticien Gérard Berry, sa série « Où va l'informatique ?» aujourd'hui, évolution en cours et futur. Alors, c'est quoi une faille de sécurité? Il y en a pas mal de sortes. Et là, il y a une spécialiste ici, donc j'en ai peut-être oublié. Alors, là, le premier, c'est quand même le comportement des utilisateurs. Hein. Cliquer sur l'hameçonnage, maintenant, ça devient un peu bête. Mais quand même, mais les mots de passe faibles, alors là, c'est, je n'arrive pas à convaincre mes copains que c'est un problème sérieux. Et ils ont dit, mais mon mot de passe, il est compliqué comme mot. C'est un mot de village. Je lui dis, il est dans le dictionnaire. Bah ouais, donc, il n'est pas compliqué, etc. Chiffrement trop faible. Alors, ça, c'est intéressant. C'est une des attaques importantes et assez subtiles. Par exemple, celle-là, Hardid, a été trouvée par une équipe de Microsoft et d'Ineria, de Cédric Fournet, qui avait fait un exposé il y a longtemps, et Kartik Bhargavan, qui est un chercheur Ineria très fort dans le domaine. Hardbleed, c'est voilà. Il y a sur Internet, la première, quand vous faites HTTPS, vous commencez par choisir quel chiffrement vous allez employer. Donc, il y a une négociation du chiffrement. Et dans HTTPS, il reste des vieux chiffrements qui sont cassables, et qui sont utilisés encore par des vieux appareils qu'on ne sait plus réparer, mais qu'on ne peut plus atteindre que par Internet. Vous voyez, le passé, ça coûte. Hein. Et donc, la préservation du passé, qui est une religion dans beaucoup d'industries, c'est dangereux. Et voilà, et avec une attaque très subtile, avec un man in the middle, etc., dans une transaction tout à fait normale, on peut forcer, chez les sites qui ont encore ces vieux chiffrements qu'on sait casser, on peut les forcer à utiliser ce vieux chiffrement. Au moment où ils ont fait l'attaque, c'était simplement 18% des serveurs Internet dans le monde. Alors, vous voyez, on multiplie tout de suite en informatique, hein, donc c'était une attaque très sérieuse. Alors celle-là, normalement, quand ces attaques sont découvertes, elles sont données aux fabricants, mais celle-là, elle a fuité avant d'avoir été corrigée, donc ça n'a pas été simple. Il y a des failles logiques dans les protocoles de sécurité, c'est-à-dire dans les algorithmes même. Exemple, l'équipe de Nancy, bon, les votes, c'est trop facile à craquer, là. Les votes américains, c'est même pas, il n'y a même pas besoin de les regarder pour les craquer. Par contre, on ne peut pas faire de vote qui a toutes les qualités d'un vote. J'en parlerai la prochaine fois. Mais Belenius, par exemple, qui est un vote qui est fait à Nancy, a un vote qui est prouvé mathématiquement pour toutes les propriétés, sauf une. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. La 5G, par exemple, il vient d'être trouvé un bug très, très sérieux dans la 5G. Pourtant, la 5G, la préoccupation numéro un de la 5G, c'est la sécurité. Hein. Beaucoup plus que la 4G, où il y a beaucoup plus de bugs. Les corruptions mémoire, comme on a vu pour Toyota, eh ben, c'est aussi un excellent moyen de prendre le pouvoir. Vous lisez les comptes rendus de Apple ou de Windows où ils disent correction d'un bug de sécurité, un débordement de mémoire dans le système audio permet de prendre le pouvoir sur la machine. Ils sont honnêtes, hein? Après, les gens disent, oui, mais chez eux, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de trou de sécurité. Non, il y a moins d'attaquants parce qu'il y a moins à voler. C'est assez simple. Bah oui, dans un ordinateur de chercheur ou de musicien, c'est quand même un peu moyen ce qu'il y a à voler. Les canaux cachés. Alors ça, c'est des choses qui deviennent beaucoup plus courantes. Un canal caché, ça attaque un système qui marche parfaitement. Alors, par exemple, RSA. Donc, RSA, le chiffrement RSA, c'est le premier code secret dit asymétrique, enfin, le code secret à base de nombres premiers qui a été une révolution, à tel point que quand les auteurs l'ont inventé, on leur a interdit de le divulguer et qu'ils ont réussi à le faire passer sous le manteau à scientifiques américains. C'est comme ça qu'on a appris son existence. RSA, qui est encore utilisé pas mal, il y en a d'autres maintenant, mais ils ont la même propriété. Adi Shamir, qui est le S de RSA, et par ailleurs un chercheur tout à fait extraordinaire, qui a eu la grande médaille du CNRS d'ailleurs, sur ma proposition il y a quelques années, il a cassé l'implémentation GNU, c'est une implémentation, c'est pas l'algorithme qui l'a cassé, en écoutant le bruit de l'alimentation électrique à distance avec un téléphone. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. En écoutant des fréquences audio, il pouvait décoder la clé. Donc, vous voyez, c'était un problème dû à l'implémentation, au fait que quand on fait une division, quand ça tombe juste, les résistances ou les condensateurs à l'intérieur de la lime, ils vibrent pas pareil quand ça... Mais bon, il y en a beaucoup des travaux comme ça. Adi Shamir est un maître, mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en sécurité. Et je dois dire que le niveau des chercheurs en sécurité est particulièrement bon. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Là, il y a trois qui sont arrivés, dont deux sont vraiment dangereux, qui sont beaucoup plus durs parce qu'ils sont à l'intérieur même du fonctionnement des microprocesseurs et pas de quelques microprocesseurs, de tous les microprocesseurs modernes haut de gamme, c'est-à-dire des ARM, des Intel, alors pas de tous les ARM, pas les tout petits, mais les ARM 9, ARM 11 ont ça, et tous les Intel, tous les AMD ont ça, des failles qui s'appellent Meltdown, Spectre et BranchCop, plus récents, et Spectre a énormément de variantes, et Spectre permet de lire la mémoire de quelqu'un d'autre, Meltdown aussi, mais Meltdown, on sait le contrer, Spectre, on ne sait pas. Et les tentatives ont été assez dures. Par exemple, sur Linux, ils ont renoncé à le contrer dans Linux 5.20. Ils ont remis en service la version d'avant parce qu'il pouvait y avoir jusqu'à 50% de perte de performance. Je vous raconterai les principes, pas le détail parce que c'est un peu subtil, mais les principes de ces choses-là. Mais BranchCop, je trouve très intéressant. C'est un truc qui agit sur les tests. Alors, c'est toujours pareil, c'est à cause de l'anticipation. Je vous expliquerai ça. Ça agit sur les tests et ça permet de savoir... le résultat d'un test, ça ne te permet pas de savoir plus que ça. Le résultat d'un test précis. Ah oui, mais il y a un certain nombre de programmes de crypto qui font marcher le chiffrement en testant un par un les bits de la clé. Donc, la clé étant très grande, normalement, c'est 2 puissance N. Mais si c'est 1024, 2 puissance 1024, ça commence à faire bien. Mais si vous savez regarder les tests un à un de la clé, ça passe de 2 puissance 1024 à 1024. Donc, c'est juste pas pareil. Donc, ça devient trivial. Comme on sait dans le code où est le test de la clé, ça devient trivial de faire ça. Et alors, la truc le plus extraordinaire dans ces choses-là, et surtout dans BranchCop, je ne sais pas s'il est corrigé maintenant, d'ailleurs, mais dans BranchCop, le truc le plus marrant, c'est qu'à l'intérieur des systèmes, et par exemple des Intel, il y a un système d'exploitation caché, Intel a mis longtemps à l'admettre, qui est un système de très haute sécurité, et qui a des instructions qui peuvent s'exécuter dans un environnement de très haute sécurité, beaucoup plus protégé que les autres, et que BranchCop est tout à fait facilité. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de faire marcher l'attaque quand on est en mode très haute sécurité que quand on est en mode normal. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Alors ça remet en jeu complètement l'architecture des microprocesseurs à l'heure actuelle, et c'est un sujet véritablement extrêmement sérieux. Donc là, c'est pas des erreurs de programmation, les microprocesseurs sont parfaitement corrects. Hein. Qu'est-ce que c'est, où c'est? Où c'est? Déjà chez les utilisateurs, évidemment. Dans les OS, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça atteint tous les OS. Hein. L'iPhone, récemment, on pouvait le cracher en lui envoyant un SMS avec un seul caractère. Et alors, dans les SCADA, les systèmes qui commandent les processus industriels, alors là, ce sont des passoires. Vous vous rappelez de Stuxnet, qui avait tué les centrifugeuses iraniennes. Il y en a eu d'autres versions maintenant. C'est des systèmes... La notion de sécurité était inconnue quand on les a faits, et c'est des systèmes qu'on ne change pas. Donc, c'est terrible. Dans l'infrastructure logicielle, évidemment, regardez le nombre de releases de Java et de Acrobat Reader pour correction de bugs de sécurité. Il faut les faire. Hein. Les gens disaient, mais moi, je ne fais pas les releases parce que les vieux systèmes marchent mieux que les anciens. Alors là, vous abandonnez cette idée définitivement. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va se passer bien avec les nouvelles releases, mais avec les anciens, vous savez que ça se passera mal. Alors, un exemple d'évolution, la médecine. Pourquoi? Parce que ça, c'est parfait. Donc, mais je travaille beaucoup avec des médecins. Alors, regardez ce qui se passe. Bon, il y a des choses, des succès fantastiques. Évidemment, l'imagerie, la radiologie interventionnelle, qui vous permet d'être opéré du cœur et de repartir l'après-midi en pleine santé. La modélisation des organes, on en a parlé, le cours de Nicolas Ayach, on en a parllé beaucoup. Les robots chirurgiens, ça c'est plus compliqué. La réalité virtuelle en chirurgie, vous savez que récemment, il y a un chirurgien qui a opéré d'une hanche compliquée quelqu'un, entièrement sous lunettes. Il ne voyait pas la personne. Et l'avantage, c'est qu'on peut voir derrière ce qu'on coupe. On voit tout en réalité virtuelle, à condition que ce soit super bien fait. Hein. Et donc, on peut voir beaucoup plus qu'on ne voit avec les yeux. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de sûreté? Alors, ouais, il y en a un qui est très connu, c'est le TAC 25, qui a irradié pas mal de gens, qui a été extrêmement étudié. C'était un bug dans le traitement de la touche flèche en haut dans le clavier. Qui a super irradié les gens, bon. Sécurité, j'étais à Londres, j'ai vu un hôpital se faire vider de l'intégralité de ses patients. Vous avez envie, quand vous êtes semi-mourant, de vous faire virer de l'hôpital pour aller dans un autre hôpital qui est à peu près dans le même état. Bon, les pacemakers, j'en ai parlé. Rien n'est fait pour les logiciels. C'est-à-dire que les médicaments sont hyper testés et pour le logiciel, il n'y a même pas de contraintes. C'est d'ailleurs un peu vrai dans l'automobile aussi. C'est intéressant. Et le ministère de la Santé américain a fait un avertissement solennel à la Food and Drug Administration en disant « Mais vous dépensez des énergies énormes pour tester les médicaments et zéro pour les logiciels, c'est déraisonnable. » Donc la question, c'est le corps médical est-il vraiment au courant? Et la réponse est non. Non. Alors maintenant, il se met au courant. On fait beaucoup de conférences à l'Académie de médecine, à l'Académie de chirurgie. Mais la question qui est posée, c'est quoi un algorithme encore, hein? Donc il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Non, mais moi, je ne me moque pas des médecins, parce que c'est des gens qui sont très, très occupés. Alors, l'analyse de données massives, ça pose des problèmes, parce que ça a des très grands succès. Par exemple, pour le mélanome, les hommes ne jouent plus. Hein. En mammographie, ce n'est pas clair encore. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas évaluer les résultats vraiment. En médecine non plus. Hein. Et il n'y a pas d'explicabilité. Donc, est-ce que c'est un problème ou pas? Les gens se battent là-dessus. Est-ce que les médecins savent expliquer ce qu'ils font? La réponse est aussi un peu non. Ils disent, voilà le protocole qu'on nous a dit d'appliquer. Mais si on leur demande d'où vient le protocole, ils disent, vous savez, moi j'ai déjà un métier bien compliqué. Puis il y a un risque du renforcement des biais, ça c'est connu. La modélisation aussi, Ayash en a parlé, puis l'avenir, évidemment ça permet d'expliquer beaucoup mieux les modèles quand on les a, mais la biologie et les organes, c'est pas très facile. Par exemple, la modélisation des valves du cœur, Jean-Frédéric Gerbeau a travaillé longuement là-dessus, et ça c'est vraiment très dur. Au niveau des maths, c'est monstrueux. Probablement, il se passera des choses là-dedans. Donc j'ai déjà montré celle-là, et je rappelle que simuler, c'est remplacer matière, énergie et ondes par information et algorithme. Alors les médecins, c'est quand même des gens qui sont dans la matière, l'énergie et les ondes. Hein. Donc il y a un chemin mental à faire, mais bon, c'est comme ça. Alors je travaille maintenant un peu sur les protocoles médicaux. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose dont on ne parle jamais. Vous avez une crise cardiaque. Vous allez à l'hôpital, et là, vous êtes pris en charge. Et là, on va faire des protocoles qui sont tout à fait compliqués. On va vous donner des médicaments dangereux, avec des dosages précis, à des moments précis. On va faire des examens qui vont complètement changer tout le temps ce qu'on fait. Et il y a tout un tas de gens qui interviennent. Il y a les infirmières de jour, les infirmières de nuit, le médecin, etc. Et ce qui se passe, c'est que la description de ces protocoles, j'en ai pas mal, j'en ai plusieurs là, c'est incompréhensible. C'est-à-dire c'est que des règles plates qui sont toutes individuellement compréhensibles, mais quand on les met ensemble, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe. Et donc, une question, c'est pour les gens, ils ne savent pas où ils en sont. Et des fois, ils font des erreurs, ils mettent deux doses de médicaments trop rapprochées, etc. Et alors, ce n'est pas un mince problème. Aux États-Unis, c'est plus de 400 000 accidents médicaux par an. Et le taux officiel de l'évaluation du nombre de mauvaises prescriptions aux États-Unis, c'est 1 par jour et par patient. Et les États-Unis ne sont pas les plus mauvais. Alors, est-ce qu'on y peut quelque chose? Je pense que c'est possible, parce qu'on a, nous, développé ce que j'ai enseigné l'année dernière, SRL, Hip-Hop, tout ça, où il y a les copains, hein, il y a plein de gens qui ont fait ça maintenant, il y a des moyens de parler de ce genre de choses de façon extrêmement précise, formelle et vérifiable, et de faire justement des systèmes de traçabilité. Et ça, c'est un sujet de recherche que je pense est vraiment pas spectaculaire, mais tout à fait pertinent. Alors maintenant, le médecin, il a des petits ennuis. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec un algorithme? C'est pas évident. Il dit, voilà, l'algorithme dit ça, mais moi, je pense pas ça. Qu'est-ce qu'il va faire, le médecin? Déjà qu'il est embêté à savoir ce qu'il pense tout seul, c'est pas si simple. Bon. Les algorithmes vont être dispo sur Internet. Donc, vous avez vu le coup des jumeaux monozygotes, là. Hein, vous obtenez 5 réponses différentes. Donc, les gens vont bien sûr essayer 5 algorithmes différents, avoir éventuellement 5 réponses différentes et aller voir le médecin pour trancher. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Faut comprendre ces problèmes un jour, mais doucement. Hein. La grande tendance en informatique, c'est de parler des solutions avant d'avoir compris des problèmes. Ça, c'est le grand art des politiques, comme ils savent qu'ils ne resteront pas très longtemps et que leur nom restera sur la solution et pas sur le problème. C'est assez fréquent. Par ailleurs, les médecins, et pour l'instant, vous ne pouvez pas écrire, en gros, dans les hôpitaux, on peut, mais ailleurs, non, vous ne pouvez pas envoyer un email à votre médecin. Ce n'est pas possible, ça. Il n'y a pas d'adresse, déjà. Mais le médecin, s'il fait des consultations à distance comme ça, il ne verra pas le patient. Et la médecine, c'est très psychologique, évidemment. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il y a des gens qui font des rêves, là, qu'on va tout pouvoir faire avec des mesures et de la télétransmission et tout. La médecine, ça ne marche pas comme ça. Hein. Le rôle bobologue du médecin est quand même fondamental. Et le patient, lui, il va essayer de traiter le médecin comme il traite Amazon. hein, vu qu'il est entraîné maintenant. Est-ce qu'on va croire un médecin qui, alors qu'on a un diagnostic sur Internet, puisque là, l'informatique est infiniment puissante, on est plein de capteurs. Alors, on essaie de vous mettre des capteurs partout, des montres connectées qui vont faire culpabiliser à la première occasion, hein, ça va arriver. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un médecin si le site Internet suffit ? Ça, c'est pas fait, parce que là, vous pouvez engager la responsabilité du médecin, mais celle d'un site Internet américain, ça va être un peu plus compliqué. Puis surtout, le médecin soigne un humain, il ne soigne pas un diagnostic. Un médecin, ça ne marche pas. Si vous avez un médecin qui soigne les gens rien qu'avec des mesures, changez de médecin, c'est ce que tout médecin vous dira. Médecin sérieux. Bon, voilà. Et je pense qu'il est temps, mais ce n'est pas encore fait, il est temps de commencer à discuter ces questions. Et je pense qu'il faut que les informaticiens s'impliquent, aussi dans la sécurité, aussi dans tout ça. La médecine est un sujet sérieux, surtout vu l'âge moyen de l'assistante du Collège de France et des professeurs, par exemple. Donc, conclusion de la journée. L'hyperpuissance de l'informatique n'est pas un vain mot. Bien faite, elle fait des trucs absolument géniaux. Mal faite, c'est vraiment, vraiment des dangers à très grande échelle. Les moyens de mal faire sont connus, les moyens de bien faire aussi, mais moins. Hein ? Ils sont plus durs et moins connus. Et il faut quand même que nous, en informatique, on travaille là-dessus. C'est pour ça que je fais ce cours, tout simplement, s'il y a une possibilité d'aider. Le grand système, alors pour la prévision, moi je pense qu'il va se passer encore des changements d'échelle, puis des découvertes complètement insoupçonnables, ça je ne saurais pas vous les dire, par construction. Les problèmes de sûreté vont devenir vraiment, vraiment massifs. Et pour l'instant, les chercheurs en sécurité sont... Enfin, ils sont excellents, les chercheurs en sécurité, j'ai aucun doute, c'est un sujet vraiment difficile. Tout le monde pense que c'est les codes secrets, le chiffrement qui est la clé de tout. Aucun des chiffrements utilisés ne repose sur un théorème mathématique. Ils reposent tous sur des conjectures mathématiques. Donc, votre vie repose sur des conjectures mathématiques. C'est rassurant ou pas, ça dépend. Moi, je pense que c'est mieux que sur des tas d'autres choses, par exemple, l'imbécilité de certaines personnes. Le gros problème, pour moi, c'est l'ignorance du public. C'est le plus gros des problèmes. Et dans le public, il y a les autres métiers, bien sûr, et les métiers de médecin. Mais vous savez, un médecin, il n'a pas beaucoup d'heures dans la journée, hein, s'il est sérieux. Donc, comment il va faire ? Rappelez-vous, jusqu'à maintenant, c'est en train de changer, quelqu'un qui arrive au bac a passé exactement 0 seconde sur le sujet. OK ? Et au moins les 9/10 des gens qui vont être après le bac passeront 0 seconde sur le sujet. Ça ne les empêchera pas d'avoir des avis dans tous les sens. Il faut changer ça. D'où l'importance de l'éducation. On revient au prochain cours pour parler de ça. Merci à vous. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter l'informaticien Gérard Berry, sa série « Où va l'informatique ?» Aujourd'hui, évolution en cours et futur. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Gérard Berry. Ces cours sont accompagnés de riches supports visuels dont vous retrouverez les liens sur nos pages. Gérard Berry a publié « L'hyperpuissance de l'informatique » chez Odile Jacob en 2017. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, Gérard Berry s'interrogera sur la notion de l'éducation à l'informatique. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.